Je veux parler d'un... Ça va faire réagir un petit peu, ça, rapidement. Tu sais, il y a beaucoup de monde dans le trafic. Hein? Tout le monde travaille aujourd'hui, tout ça, c'est tel que tel. C'est la faute du ministère des Transports. Là. Je sais pas de vous blâmer, je garde le même discours. Mais y a-tu des madames, des femmes, m'adresse à vous, dans leur automobile actuellement, les enfants, ils vont porter ça à la garderie, ils vont souvent porter ça à l'école, ils vont les porter, les apporter, ça les amener. Bien, ça commence donc bien. Non, mais y a-tu des femmes qui... 1 heure dans le trafic, là. Des fois, c'est 1h30, 2 heures pour nos amis de la Rive-Sud, avec les bons. Puis une des raisons, c'est le travail, mais aussi, vu qu'elle travaille, ben, la garderie, puis l'école, puis... Y'a-tu qui aimerait ça rester à la maison? Y'a-tu des femmes qui aimeraient mieux élever leurs enfants à la maison? Il y en a tellement plus qu'on le pense, là. Penses-tu au nombre de, tu sais, déjà, même si c'est pas de votre faute, c'est au ministère des Transports à s'adapter à nous, je change pas mon main. Mais il reste que, c'est sûr que ça pourrait améliorer le trafic, si au lieu d'embarquer alors, dans l'auto... Pourquoi t'amènes ça de même, franchement? Rester à la maison, va avoir moins de trafic. Pourquoi tu dirais pas, on est rendu à l'heure où les femmes peuvent faire leur choix de vie, point? Non, mais c'est ça, José, mais je fais juste souligner qu'entre autres, il y aurait parce ça comme... De la façon que t'amènes ça, tu nous mets ses nerfs. Tandis que si tu disais, femmes, vous avez gagné votre combat contre le féminisme, maintenant, vous pouvez choisir ce que vous voulez, soit rester à la maison, soit à l'autre. On s'entend-tu que c'est pas le même sujet, là? Ah oui, tu le sais que je suis d'accord avec. C'est un peu mais là, ça, reste à la maison, on va avoir plus de tu sais, sur le trafic, ça va être moins lourd à cause de vous autres. Ben, je m'excuse, les deux sont bons et les deux sont vrais, là. Les gars, travaillez de la maison, tant qu'à faire. Hein? Ben, travaillez de la maison, faire vos appels le matin, puis rentrer au travail l'après-midi, rencontrer les clients. Ce que je veux dire, c'est que le charroyage des enfants, hein, de la maison aux garderies, ça amène quand même également des gens supplémentaires sur la route. Mais bon, mais mon sujet, c'est pas ça, matin. C'est le sondage. Parce qu'il y a eu un sondage. Je voulais poser la question, mesdames, là, pognées dans le trafic. La CPE, le bordel. Aimeriez-vous rester à la maison? Le magazine Forbes a posé la question aux femmes. C'est aux États-Unis, évidemment, mais regarde. Même affaire, on vit les mêmes choses. Alors, écoutez bien le pourcentage de femmes qui avouent au téléphone. Là. Ils n'auront pas ça dans les soupers de filles. D'un coup, il y a une féministe crinquée en telle qui a traite de tous les noms, d'arriéré, puis de cible, de ça. Mais les femmes au téléphone, quand tu le demandes, aimeriez-vous ça? Avoir les moyens. Attention, la question, c'est pas souhaitez-vous revenir à la maison avec vos enfants. C'est aimeriez-vous avoir les moyens, parce que ça en prend, de rester à la maison, puis d'élever vos enfants. Checkez bien ça, c'est spectaculaire. Les féministes vont peut-être changer de poste, mais je vous invite à rester. Appelez-moi, puis 84%. Avez-vous bien entendu ça, là? 84. C'est quelque chose, on dit, hein? Si j'avais l'argent, si j'avais les moyens, là, aucun doute. Je dis pas que je retournerais pas travailler, c'est pas que je suis innocent, je suis bien intelligent, mais sais-tu quoi? Moi, j'aurais resté à la maison. J'aurais arrêté de travailler. Avec les enfants. J'aurais élevé mon enfant. J'aurais aimé ça. Passer du temps avec, tout ça, je pense que c'est important, 0 et 6, la mère, puis après ça, la maternelle, puis après ça, peut-être, ben, aller retrouver ma job ou faire de quoi, tu sais, je suis pas une... Mais oui, ah oui, dans ce bout-là, là, je serais resté à la maison. Et la réponse, pourquoi ils ne le font pas, c'est l'argent. C'est l'argent. L'argent, on l'a, hein. Je sais pas si vous savez, on l'a, l'argent. On l'a donné à CSN. On l'a donné au CPE, on l'a donné à ces madames-là qui manquent des salaires chaque fois, puis quand elles sont pas contentes, ben elles font la grève, puis là, ben, prenez en otage, fait qu'on leur augmente le salaire. Dans 3 ans, là, on va tout le temps les augmenter. On a confié ça. C'est la journée qu'ils font la grève, on a pogné. Il aimerait mieux. Si on avait fait autre chose, si on avait pensé différemment, si on avait dit. Ça, c'est... En plus, Mario Dumont a failli se faire élire avec ça. C'était une de ses propositions les plus populaires. C'est drôle, hein? Il a failli se faire élire avec ça, puis il n'y a aucun parti qui a repris ça aujourd'hui, tellement que la pensée est orientée. Tu sais, tu donnes l'argent aux familles. Au lieu de la donner à CSN pour CPA, puis tu donnes un chèque par enfant à la famille, vous faites ce que vous voulez. C'est votre choix. Si vous voulez le confier à la garderie, prenez l'argent que le gouvernement vous a donné. Je me souviens plus c'était combien de centaines de dollars par enfant par mois, là, mais ça marchait de même. Mais ben, la DQ, c'était 100. Pas par mois, c'était 100 par semaine, par je pense. Par enfant, par semaine. Ouais. Alors, fait que, mettons, t'as un enfant, t'as 400 par mois. Tu veux l'envoyer à la garderie? Parfait. Prends ton chèque de 400, donne la fille, tiens. Garde mon enfant, moi, je vais aller travailler. Excellent, j'ai rien à dire en passant. Même pas le moins bon. Non. C'est ta vie. L'État a pas se mêler de ça. Ni moi, ni vous, ni ACSN, ni féministe. Personne. Tu donnes le 400$ par enfant par mois à la mère puis au père. Faites-en ce que vous voulez. La garderie, c'est beau. La madame décide qu'elle reste à la maison, mais le 400$, elle se le met dans les poches. Good! Elle le donne à sa mère, parce que c'est à les grands-parents, bigénération, qui, tu sais, le 400. Good! C'est elle qui décide. Pas ça que le gouvernement dit. toi jeudi, passe à la caisse, donne-moi ton cash, l'innocent le caf, et moi je vais décider, pour la société c'est meilleur, pour contrer le décrochage, pour les sociabiliser, pour les... On va donner ça aux syndiqués de la CSN dans les CPA. Le système coûte, a monté, ça incroyable. On a, ça coûte 2-3 fois plus cher que ce que ça coûtait au début. Ils n'ont pas doublé le nombre de places, là. Êtes-vous au courant de ça? Le programme de CPA coûte 2 fois plus cher minimum que ce qu'il coûtait au départ. Et on est loin d'avoir doublé le nombre de places. Mais on a augmenté la bureaucratie, les salaires, le système, la structure. Mais ça se fait que Mario a failli se faire élire avec ça. Puis qu'en deux, on vient de traverser une campagne électorale. Les États-Unis, Canada, personne. On n'est pas si loin que ça, là. Tu sais, dans nos mentalités. Reste à faire ça le sondage un matin. Puis là, je reviens avec mon petit détour qui est un peu boiteux, je sais, mais sur le trafic. Puis toi, tu poses la question aux femmes là, qui sont là, là, avec l'enfant en arrière. Mariez-vous ça, restez à la maison. Mais 84%, c'est énorme. C'est énorme. C'est pourquoi, moi, si un jour, là, mettons que tu me dis, José, m'en irai pas là-dedans, là, déjà que ça a été extrêmement difficile. Je vais m'offrir une ligne que je reste à la maison, là. Non. Mais tu... Si un parti politique qui a de l'avenir au Québec, c'est un parti qui, ça serait révolutionnaire, qui non seulement parlerait de la droite économique, tu sais, la droite économique, on est beaucoup à penser ça, là. Coupons dans l'État, plus de responsabilités individuelles, on va dégraisser la machine. Mais il y a très peu de gens au Québec qui osent s'aventurer sur le terrain de la droite morale, un petit peu, sur les valeurs. Là, je suis pas en train de parler d'une droite conservatrice à l'américaine qui est très religieuse. Je parle d'une droite morale très rassembleur au niveau notamment de la famille. Tu sais, un politicien qui dirait, là, fou. Non, on revient aux valeurs, là. Moi, non, on revient aux valeurs, là. Puis la famille, c'est une valeur importante. Puis les mères qui veulent élever leurs enfants à la maison ou les pères. Tu l'as dit tantôt, puis tout, mais en tout cas, qu'il y a un des deux, c'est sûr que ça va être plus les femmes, parce qu'entre 0 et 6, c'est prouvé qu'un enfant a plus besoin de sa maman que son papa. Vu qu'il y a des différences dans les individus, on est pas tous pareils, dans un couple X où la femme gagne un gros salaire, puis que le mari fait comme, gars, moi, je suis capable de m'en occuper, là, puis je vois, ben oui, j'ai pas de trouble avec ça. C'est un parti qui parlerait de ça. On va valoriser la famille. Ça serait, tu sais, je sais que c'est toujours santé, éducation. Les politiciens prennent les thèmes selon les ministères. Au lieu de nous venir parler, oh, moi, ma priorité, c'est le ministère de la santé. Moi, c'est le ministère de l'éducation. Ben, moi, ça serait la famille. Puis, je mets pas de ministère, pas de fonctionnaire, pas de tour, là. Qu'est-ce que la famille a besoin? Ils ont besoin de plus de ressources pour élever les enfants à maison, on va leur en donner. Ils ont besoin de, mais on part de eux, là. La cellule familiale. Puis, on va parler de valeurs. Puis on va parler de... Puis l'État va s'adapter à eux. Allez, le monsieur va aller travailler, on va lui fournir un trajet pour que ça prenne pas 2 heures. Madame veut rester à la maison, on va lui donner de l'argent pour qu'elle puisse rester à la maison. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'aimerais ça qu'on parle de ça. On pourrait régler tellement. On pourrait régler plusieurs problèmes, selon moi. Mais là, pas... Les gens vont dire, on a une droite morale, Butch, ça veut dire que t'es pour la peine de mort, t'es contre l'avortement, ça n'a rien à voir. Une droite morale à la québécoise, on va pas la copier ces valeurs américaines. Les Américains ont des valeurs religieuses différentes des nôtres, c'est comme ça. Par contre, je parlerais de justice en maudit, par exemple, protection des enfants. Tu sais, je parlais de la famille, au lieu de parler, le ministère de la justice devrait... Non. Qu'est-ce que la famille veut? Protéger. Être en paix, notamment avec les enfants. Fait que oui, des sentences plus lourdes pour les pédos, je vais vous en parler, puis ça va être dans mon programme politique, puis je suis pas gêné. Puis oui, ça c'est un peu de la droite morale, mais c'est ça. Sans aller jusqu'à la peine de mort, des sentences plus sévères. Non, on n'interdira pas l'avortement. On peut-tu aider les jeunes filles qui ont des enfants? Leur proposer autre chose que l'avortement. Tout en respectant la liberté de choix. J'suis en train de construire mon programme, là. Pas si vous vous rendez compte. C'est des farces. Mais regarde, tu sais, je rêve, là, à haute voix, mais... Ça serait mon parti idéal, mon best. Une droite économique, oui, on coupe dans l'État, oui, on fait le ménage, la dette, tout ça, mais on va parler des familles, des individus, puis on va parler de justice, on va parler de femmes à la maison, les féministes me traiteront tout et non. Je sais que tout Radio-Canada, toute la gauche, tout Montréal au complet vont me tomber dessus, m'en sac, on va parler de femmes à la maison. Les avortements au Québec, on est champions. Champion quasiment occidental, champion canadien, aussi, champion récidive. Il y en a qui sont rendus à 6 avortements. Alors, les filles de 16, 17, 18 ans... Ça commence à 14, Sylvain. Ça commence à 14, mais là, 14, garder l'enfant, c'est un peu plus tough, là. Mais il y a une catégorie de filles, notamment, là, à un moment donné, là, 17, 18, 19, mettons qu'elle veut le garder. Peux-tu l'aider? Si elle veut s'avorter, elle se fera avorter. On n'est pas une droite à l'américaine, on va respecter la liberté de choix. J'enlève rien. Tu sais, je retire pas de droit, j'en ajoute. Je respecte... T'sais, la femme qui veut travailler pourra travailler, mais celle qui veut rester à la maison, maudite maman, on va l'aider. La femme qui veut avorter, elle avortera. Mais celle qui veut garder l'enfant, l'enfant, je parle comme dans... Ouais, c'est ça. Les enfants, comme dans, voyons, Anne Dorval dans Le cœur a ses raisons. On peut-tu l'aider? Y a-tu moyen de faire de quoi pour elle? On peut-tu... Là, je pose la question, je me fais l'avocat du diable, mais je trouve ça intéressant l'idée. Une droite morale.